La chercheuse Kim Gum-jin, à l'annexe d'études des droits de l'homme près l'Institut coréen des problèmes internationaux, a publié un écrit sous thème « Vraie nature de la campagne hypocrite des États-Unis autour des droits de l'homme ». Avec le sous-titre « Sophisme des États-Unis sur la protection des droits de l'homme, réalité des droits de l'homme aux États-Unis, crime des juges des droits de l'homme », elle dénonce que la protection des droits humains affichée par les États-Unis n'est rien d'autre que la misanthropie et la répression des droits de l'homme et que les États-Unis sont le pire criminel contre l'humanité à être traduit à la tribune. Plus les États-Unis font appel à leurs suivistes et à tous les déchets de la société humaine pour livrer frénétiquement la campagne contre la Corée autour des droits de l'homme, plus notre République fera preuve de la dignité en tant que protecteur des droits de l'homme et phare de l'espérance du genre humain, en brisant les menées des forces d'hostilité par la force de l'unité monolithique. La campagne démagogique des États-Unis contre la Corée sera vouée à l'échec.